même pas tes enfants avec toi, tu sais. Et là, je commence à goûter ça le fun de me reposer et d'être bien. Parce que moi, j'avais jamais goûté ça le fun. Puis pendant un mois de temps, au moins, là, quand je travaillais pas, au lieu de profiter du repos que j'avais du temps que je travaillais pas, je faisais de l'overtime dans ma tête. Qu'est-ce qu'il veut? Mais là, j'en fais plus d'overtime. Je prends ce qu'il y a. Ouais, éventuellement, c'est ce que tu veux. Oui. Mais quand t'es rendu là à ce que tu veux, là, puis te servir de leur énergie pour le faire, faut que tu descendes d'une maudite volonté. Pis si les situations intérimaires là servent à t'amener à ça. Puis un jour, elle va venir, là, parce qu'ils serrent les vis, ils ont leur façon de servir les vis de différentes façons, puis après ça, ça descend. Ouais. Moi, j'aimerais ça vous compter ce que j'ai fait quand je l'ai fait descendre, cette énergie-là. Non. Non, parce que vous me prendriez pas objectivement. Mais c'est terrible ce que j'ai fait. C'est terrible. Elle a envie de parler, que ça avait fait quelque chose, elle a envie de parler à quelque part. Parler, allez-y, attendez, là, là, là, là. Moi, ça s'est cliqué parce que l'année passée, j'ai fait une émission. T'as pas vu, j'ai du petit délai, mais pas mieux pour rien. Tu sais, c'est comme si ça l'a dégoûté, là. En tout cas, je l'ai fait, hein. Ça m'a pris 10 minutes. J'ai appelé à rechercher, puis j'ai fait un plan, 5 émissions. Pas une! Je me gêne pas, vu quoi rien mettre dans 5 émissions. Je ne sais pas comment ça va marcher. Mais je me dis, bon, comment tu veux d'appliquer une idée, que ça marche pas vers la veine d'appliquer un autre. Là, je ne sais pas, j'attends pas des nouvelles, parce que j'ai même pas couru après. J'ai téléphoné une fois, pour 2 semaines, l'autre, elle m'a rappelé, elle avait dit qu'elle avait dit, bien. J'ai pondu ça, un synopsis de 5 émissions, dans 10 minutes. Ça a pris plus de temps à mettre des textos que de l'écrire. Mais là, faut que je le laisse aller. C'est l'affaire de se servir de l'intelligence, de vivre de l'intelligence, si tu veux. La nécessité de se servir, de faire descendre la volonté, là, ça c'est fondamental. C'est fondamental. Si vous allez vivre de votre intelligence dans le monde, il y a deux façons de vivre dans le monde. Soit vous vivez de votre intellect, ou de vivez de votre intelligence. C'est deux lois différentes. Si tu vis de ton intellect, tu sers de personnalité. Si tu vis de ton intelligence, tu dois la mettre totalement hors corps. Quand tu sers de ta personnalité, tu attends que tu aies une personnalité assez grande pour que quelqu'un de la division t'invite. Ouais. Tandis que quand c'est l'autre aspect, tu défonces toutes les portes. C'est juste l'intelligence qui run. Puis ça va vite. Brrr, en dedans de... Ça va vite. Ça peut être dans une journée. Et à ce moment-là, il n'y a plus personne qui t'arrive. Qui peut arrêter, tu deviens comme un train. Puis c'est toujours toi qui juge la situation. T'es dans l'intelligence à ce moment-là, puis ça marche. Ton intelligence devient ta lentille, puis ta volonté devient ton marteau. Moi, je refuse. Moi, puis là, t'es plus astral, fait qu'automatiquement, tu ne devines pas. Si tu savais comment est-ce que j'ai de demandes d'aller aux États-Unis, d'aller en France, d'aller en Amérique du Sud, faire des émissions de télévision, écrire. J'arrêterais, puis je me viderais. Et quand t'es dans l'intelligence, tu peux pas faire ça. Fait que tu fonctionnes. Il y a des limites, puis t'es connais, puis sont bonnes, puis c'est assez. Mais ça te prend une maudite volonté pour les amener eux autres à te servir. Parce que c'est ça. Pour les amener eux autres à te servir, faut que t'en arrives à haïr. C'est plate parce que quand tu dis ça, là, c'est que t'as peur de manquer ton coup aussi. Tu sais, les amener eux autres à te servir. Ça va t'émotiver. Quand t'as besoin d'argent, tu craches pas sur 50 pièces, hein. Mm-hmm. Mais quand t'es intelligent, pis t'as besoin d'argent, pis dans l'intelligence, tu sais que t'as craché sur 50 pièces, faut que tu craches sur 50 pièces. Mm-hmm. Même quand t'as besoin d'argent. Mm-hmm. Parce que ils ont toujours des trucs pour te prendre là-dedans. Ouais, mais c'est ça le discernement. C'est qu'ils en arrivent à un point que ils ont plus de trucs dans leur sac. Sais-tu pourquoi? Parce que tu es arrivé au point où tu haïs absolument. Tu peux haïr. C'est quand tu haïs que tu descends la volonté.